Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, sommet du temps pascal. La Pentecôte achève ce que Jésus était venu accomplir. Jésus était venu nous réconcilier avec le Père. Jésus était venu accomplir toutes les prophéties. Et entre autres, ces prophéties de l'Ancien Testament, celles du prophète Joël ou d'Ézéchiel qui promettaient qu'un esprit serait répandu sur nos cœurs, qu'il changerait notre cœur de pierre en cœur de chair. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Même pour nous, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Durant cette messe, Dieu veut, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ensemble veulent changer mon cœur de pierre en cœur de chair, capable de se laisser aimer, capable d'aimer en retour. Et même, je dirais, plus capable de s'émouvoir devant la souffrance de l'autre. Parce qu'un cœur de chair, c'est compatir, c'est souffrir avec celui qui souffre. Avant la Pentecôte, Jésus avait commencé à déborder de l'Esprit-Saint. Toute sa vie publique, c'est un débordement d'Esprit-Saint, à la fois par sa parole, sa prédication, à la fois par tous ses signes, ses miracles. On se souvient même, durant sa vie publique, de cette petite dame qui vient le toucher par derrière, toucher la frange de son manteau pour qu'elle soit guérie. Et le texte dit que Jésus sentit une force sortir de lui, et cette force guérit cette dame. Eh bien, cette force était celle de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui vivifie tout ce qu'il touche. Donc, Jésus a commencé, dès sa vie publique, à déborder de l'Esprit Saint. Mais il a débordé encore plus d'Esprit Saint, même à la croix. Ce fameux vendredi saint, ce vendredi où tout le monde l'avait abandonné, il restait Jean, quelques dames, Marie. Et après avoir montré jusqu'où il nous aimait, eh bien, Luc dira, il remit l'esprit. Il y a une ambivalence dans cette expression, à la fois, évidemment, ça peut vouloir dire expirer, hein, il a rendu son dernier souffle, et en même temps, ben, il nous a rendu ce dernier souffle, il nous a donné cet Esprit Saint-là qui l'habitait. Il a tout donné, il s'est vidé de tout entier lui-même pour faire naître quelque chose de neuf devant lui. Et déjà, cette mini-Pentecôte de la croix porte déjà des fruits. Il y a entre autres ce centurion, ce païen soldat qui a participé à la crucifixion, qui tout de suite après la mort de Jésus est touché par la grâce et qui dit « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Déjà, l'Esprit Saint est à l'œuvre et réussit à changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Au Golgotha, il y avait beaucoup de cœurs de pierre, justement, pour ne pas se laisser émouvoir de cette souffrance. Et déjà, Jésus commence son œuvre d'attendrir notre cœur devant toute souffrance humaine injuste. Mais Jésus continue. Le troisième jour, il est ressuscité, il s'est relevé et il va voir ses disciples qui avaient peur, des Juifs, peur de subir le même sort que Jésus. Ils ne savent pas encore que Jésus est ressuscité, ils sont les portes closes. Et Jésus leur apparaît, vient vers eux et leur dit « Paix à vous, paix à vous. » Et Saint Jean nous dit, il souffla sur eux, leur remit l'esprit, il leur dit, paix à vous, allez, comme je vous ai pardonné, allez pardonner au monde, allez répandre cette miséricorde du Père. Donc encore une fois, Jésus change notre cœur de pierre en cœur de chair. Parce que parfois, ce qui rend notre cœur comme un cœur de pierre, tout pétrifié, c'est notre peur. Ou notre peur de nous-mêmes à cause de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on n'a pas fait. Mais par la miséricorde, Jésus vient attendrir notre cœur et lui dire « N'aie plus peur, sois en paix. » Je reviens vers toi, je change ton cœur de pierre en cœur de chair et va répandre à ton tour, va répandre cette bonne nouvelle. Mais la fête qu'on fête aujourd'hui, la Pentecôte des Pentecôtes qu'on célèbre, c'est la Pentecôte publique, celle que Jésus avait promis juste avant de remonter vers le Père par l'ascension. Il avait dit « Je vais vers mon Père » vous préparez une place, mais je vais vous envoyer l'Esprit qui vient du Père. Il vous enseignera l'Esprit de vérité, qui vous enseignera toutes choses, qui sera le paraclet, le défenseur. Et aujourd'hui, ce texte s'est accompli. Et ils étaient rassemblés dans la prière au Cénacle. Et finalement, comme des langues de feu descendent sur les uns les autres, et ils sont tous transformés. La peur les a quittés, leur langue s'est déliée, ils sont capables d'annoncer dans la foi et dans la joie, Jésus est vivant. Frères et sœurs, croyez-vous que Jésus est vivant? Croyez-vous que Jésus est vivant? Voilà. Là, il y avait un peu plus d'Esprit Saint la deuxième fois, je pense. L'Esprit se joint à notre esprit. Hein, il soutient, et si ma bouche, si je la rouvre pas, ça passera pas, bien sûr, mais si je la rouvre, ben, il va souffler avec moi. Il va mettre de l'air dans les voiles. L'Esprit veut se joindre à notre esprit. La première chose que la première œuvre de l'Esprit Saint, c'est de réhabiliter l'image de Dieu dans mon cœur puis dans votre cœur. Tu es fils et fille. Bien-aimé du Père. Il a donné sa vie pour toi. Cesse d'avoir peur. L'Esprit se joint à notre esprit et crie en nous, Papa. Oui, je vous souhaite ce soir de crier, Papa. Viens, Seigneur. Viens dans toute ma misère. Viens déployer ta grâce dans ma faiblesse. Saint Paul le disait, il y a une lutte en nous. Il y a les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. Puis souvent, on subit la défaite des œuvres de la chair. Papa, viens. Esprit Saint, joins-toi à mon esprit. Crie vers le Père. Rends-moi libre, s'il te plaît. Fais quelque chose. L'Esprit se joint à notre esprit et crie en nous, Abba, Père. Mais un autre fruit de l'Esprit Saint, un autre fruit admirable de l'Esprit Saint à la Pentecôte, il fait parler les disciples dans toutes sortes de langues et les gens comprennent dans leur propre langue. Vous savez, la Pentecôte, c'est Babel inversé. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Vous vous souvenez, c'est un passage de l'Ancien Testament, on essaie de construire une tour pour essayer de rejoindre les cieux, de dépasser Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Il y a de la confusion dans les langages et plus personne ne se comprend. Eh bien, à la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde se comprend. Wow! Seigneur, s'il te plaît, une Pentecôte. Hein? On a tellement du mal à se comprendre des fois dans nos familles, dans nos maisons, dans notre collègue de travail avec les étudiants. Oui, Seigneur, vite, une Pentecôte, fait qu'on puisse se comprendre. L'Esprit-Saint, ce phénomène particulier qui a lieu à la première Pentecôte, témoignait aussi de l'universalité de l'Église. Le message de Jésus est pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde est capable d'entendre la bonne nouvelle dans sa propre langue. Et aujourd'hui, ce miracle se continue différemment du fait que dans tous les peuples, il y a des chrétiens. En toute langue, on peut chanter gloire à Dieu. C'est beau, c'est grand, et la Pentecôte se continue. J'ai longtemps été chrétien sans prier trop l'Esprit-Saint. Je ne savais pas trop qu'il fallait le prier particulièrement. J'avais entendu parler des charismatiques. J'avais un peu peur des charismatiques. C'est une race bizarre. Ça lève les mains des fois. Des fois, ça chante en langue. Ils sont un petit peu marteaux. Des fois, ils font de l'évangélisation un peu partout, même dans la rue. Mais c'est des gens sur qui je me suis aperçu, finalement, l'Esprit-Saint est tombé. Pas pour faire des choses spectaculaires, mais encore une fois, pour rendre leur cœur de pierre en un cœur de chair. Et c'est en allant à Ottawa visiter une communauté, les Compagnons de la Croix, que là, j'ai commencé à enlever les pieds sur les briques. Et j'ai commencé à voir dans cette communauté chrétienne là-bas, waouh, il y a toutes les générations. Il y a des aînés, il y a des jeunes, il y a des familles, il y a des enfants. Et on sent que ça vibre de Dieu. Il y a de l'amour, ça se sent. Et ils prient, je les vois adorer. Et ils vivent la charité. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Father Bob, à un moment donné, s'est lui-même laissé toucher dans son sacerdoce, renouvelé par l'Esprit-Saint. Et pendant toute une année, il me disait qu'il a répété à ses paroissiens, « Let the Lord do what he wants to do with you. » Laisse le Seigneur faire ce qu'il veut avec toi. En bon français, enlève ton pied de ses briques. Retire ton pied des freins. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Vous savez, on met plusieurs fois des freins au Seigneur. Seigneur, je te supplie, aide-moi. Mais touche pas à ceci. Dérange pas trop ça. En fait, fais pas trop ça non plus. En fait, dérange-moi pas, s'il te plaît. Et finalement, il n'y a plus d'espace. Je vous invite ce soir à une prière dangereuse. Seigneur, je sais que tu m'aimes, tu es infiniment bon. Tu connais encore mieux que moi tout ce qui est bon pour moi. Vas-y, fais ce que tu veux, j'enlève les pieds sur les briques. Cette prière dangereuse, vas-y, fais ce que tu veux. Vous pouvez même ajouter, fais-toi plaisir. Parce que le plaisir de Dieu, c'est de nous rendre heureux. Honnêtement, c'est une prière que je fais plusieurs fois par semaine au Seigneur. Fais-toi plaisir. Il y en a qui résistent à ton amour. Vas-y, open house. Viens, Seigneur, fais-toi plaisir. Aide-moi à ne plus résister à ta grâce. Je vous lance vraiment ce défi-là ce soir et on va essayer de le vivre tout de suite. Je vais prendre un petit refrain, je vous inviterai à le répondre avec moi, à le reprendre. Et puis aussi, je vous invite cette semaine, à chaque matin, à dire au Seigneur, « Viens-t'en aujourd'hui. J'enlève les pieds sur les freins, conduis-moi où tu veux. Comble-moi de ton amour pour que je déborde tout le reste de ma journée de toi, de l'amour que tu m'auras comblé. » Oui, Seigneur, on se tourne vers toi, ce soir ensemble, qu'aujourd'hui cette Pentecôte s'accomplisse pour nous. Qu'aujourd'hui tu viennes changer mon cœur de pierre en cœur de chair. Et j'enlève les pieds de sur les freins, Seigneur, parce que tu m'aimes. Tu sais encore mieux que moi tout ce qui est bon. Et tu veux que je puisse déborder de ton amour pour le monde.